soit comme une menace à l'ordre public. Donc, en toile de fond de cette interrogation, on se posera la question des mécanismes et des acteurs de l'internement asilaire. Et en fait, par conséquent, je prends ici le terme de routine dans une acception vraiment très large, c'est-à-dire que je n'étudie pas forcément des pratiques quotidiennes, répétées régulièrement, etc. Je prends plutôt le sens qui a pu être donné par le collectif Rosa Bonheur lors d'une précédente intervention en séminaire, c'est-à-dire une routine créatrice faite d'adaptations constantes, intégrées au quotidien, et d'adaptation constante donc aux aléas suscités par la folie d'un proche. Et puis cette routine, c'est également une construction discursive, puisqu'elle est l'objet de l'attention et des écrits des médecins et de l'administration. Et à cet égard, elle est aussi, pour reprendre les termes de François Jarige, un idiome en débat dont la signification se fixe progressivement. Donc cette intervention reprend en partie les résultats de mon mémoire de M2, donc, qui portait sur les aliénés internés entre 1850 et 1900 à l'asile Saint-Athanase de Quimper, donc la préfecture du département. C'est un établissement de taille moyenne fondé en 1826, qui accueille à la fin du siècle environ 600 aliénés, uniquement des hommes, donc comme ça a été dit, les femmes étant, elles, envoyées à Morlaix. La grande majorité de ces internés sont placés d'office, c'est-à-dire selon les termes de la loi de 1838, qui sont internés en vertu d'un arrêté préfectoral. Mon travail se fondait principalement sur l'étude des dossiers personnels des internés à l'asile, qui présente un grand intérêt parce qu'il rassemble des documents de nature très variée, à la fois tous les documents administratifs relatifs au placement, des questionnaires sur l'aliéné envoyés au maire de la commune dont il est originaire, des documents transmis par d'autres institutions par lesquelles ont pu transiter les aliénés, que ce soit l'hospice, l'armée ou une maison d'arrêt, et beaucoup de correspondances, donc des lettres des familles, parfois accompagnées de la réponse du directeur médecin, des lettres des internés également retenues au dossier par l'autorité médicale. Donc le biais de ces sources, il est évident, puisque par nature ces archives asilaires ne nous renseignent que sur les individus internés, sans rien nous dire de tous ceux qui, bien qu'aliénés, ont pu passer toute leur vie en quelque sorte entre les mailles du pouvoir médical. Mais la grande richesse de ces dossiers permet assez souvent de restituer très finement les trajectoires biographiques des internés et par ce biais de glaner des renseignements sur leur vie antérieure, avant l'asile. Et c'est ainsi que ces archives asilaires nous renseignent sur la folie hors les murs et nous donnent un aperçu de la gestion routinière de la folie dans le Finistère du XIXe siècle, tout en nous permettant simultanément de comprendre les raisons de sa rupture. En dehors des dossiers, voilà, simplement, j'ai dépouillé un certain nombre de registres matricules d'entrée à l'asile qui ont permis de constituer une base de données, qui a permis un travail quantitatif, et puis des archives administratives, des rapports moraux, la correspondance entre l'asile et la préfecture, des archives municipales relatives aux aliénés à Quimper et à Brest, qui assez souvent complétaient un petit peu l'aperçu qu'on avait à partir des dossiers. Donc s'interroger sur la gestion routinière de la folie par les familles suppose de décentrer le regard, de se départir d'une vision qui serait trop centrée sur l'institution, et de s'efforcer donc de sortir de l'asile autant que possible pour mieux appréhender la richesse et la pluralité des modes d'administration de la folie au XIXe siècle. Et cette démarche va de pair avec la volonté de faire une histoire par en bas de l'internement à l'asile, ce qui implique par conséquent d'intégrer à l'analyse tous les acteurs non médicaux que sont les familles, les voisins, les policiers, les gardes champêtres, les maires, etc., qui jouent tous à divers moments un rôle dans l'internement et qui véhiculent aussi des conceptions qu'on pourrait qualifier de profanes de la maladie mentale auxquelles il faut être attentif. Et enfin, ça nécessite aussi de faire une histoire de la psychiatrie à l'échelle des patients et donc en particulier qui s'attachent à restituer des trajectoires biographiques qui sont très souvent très riches d'enseignements. Donc dans un premier temps, j'essaierai de cerner les contours de cette gestion routinière de la folie à travers les dossiers des internés, mais aussi à travers le discours des médecins qui veulent lutter contre l'esprit de routine de la population, c'est-à-dire tout un ensemble d'attitudes et d'habitudes populaires vis-à-vis de la folie qu'ils peinent à faire évoluer. Puis j'aborderai la question de la perturbation de cette routine et donc des mécanismes de l'internement. Et puis dans la dernière partie, je m'interrogerai sur une éventuelle intégration de l'internement lui-même aux pratiques routinières des familles et des communautés. Donc, dans un premier temps, la routine de la folie à domicile. Alors, au-delà des statistiques que j'ai citées tout à l'heure, plusieurs éléments nous permettent de penser que même à la fin du 19e siècle, l'internement à l'asile ne s'est pas imposé comme la principale solution de prise en charge des aliénés dans le Finistère. C'est un département qui semble assez peu acquis à l'aliénisme. Le nombre d'internés, par exemple, par rapport à la population, y est inférieur à la moyenne nationale. À peu près un interné pour 844 habitants, contre un pour 816 en France en 1889, d'après les chiffres de Jacques Léonard. L'encadrement médical y est très faible. Un médecin pour 9450 habitants, si on enlève les agglomérations de Quimper, Brest et Morlaix. Plus on s'éloigne des villes, plus cet encadrement médical est lâche. Et de fait, les campagnes sont effectivement sous-représentées dans la population de l'asile. Par ailleurs, donc, l'internement, quand il intervient, est souvent très tardif, ce qui laisse supposer des longues durées de prise en charge antérieures par les familles. D'après les estimations du directeur médecin de l'asile, en 1883, sur 125 entrées à l'asile, plus de la moitié des malades sont admis après plus de 6 mois de maladie, et seulement 6, donc sur 125, le sont dès l'apparition des premiers symptômes. En 1900, le nouveau directeur médecin de l'asile le déplore encore une fois, je le cite, « Un tiers seulement des malades nous a été conduit dans les 6 premiers mois du délire, et 9 étaient déjà malades depuis plus de 2 ans quand nous les avons reçus. » Donc en fait, l'internement immédiat semble être plutôt l'exception que la norme. Ainsi, par exemple, dans le questionnaire portant sur l'aliéné Leroux, un tailleur de pierre admis en 1885 à l'âge de 26 ans, le maire de Pont-l'Abbé doit répondre donc à la question suivante. Est-ce la première fois que cet individu devient aliéné? Depuis quand s'est-on aperçu du dérangement de son esprit? Et il indique, ce n'est pas la première fois, on avait toujours caché sa situation, et le moment où elle a été connue remonte à 7 ans environ. Depuis cette époque, son état s'est toujours aggravé. Donc il y a un premier temps de dissimulation, puis un temps où la maladie devient apparente, mais même quand la maladie est apparente, il faut encore 7 ans avant que l'internement se fasse. Il semble que les familles soucieuses de leur honneur, de leur réputation, aient tendance à dissimuler autant que possible la folie des leurs. À l'entrée d'Alain Bourguillot, un fournier de Quimper, le médecin ne cache pas son exaspération devant cette tendance des familles à retarder toujours autant que possible l'internement. Il explique « La maladie de Bourguillot n'est pas récente. Nous nous rappelons qu'à divers intervalles, on nous a consulté sur les formalités à remplir pour isoler ce maniaque. Le placement d'office a donc été attardé tant qu'on l'a pu, suivant les habitudes qui portent les familles et les communes qu'elles se font de l'économie, quand ce bien ne peut être rempli que par une médication immédiate. Il a fallu que, cessant d'être tolérable, Bourguillot vint à dévaster une propriété, suivant la note que nous a présentée le maire de Quimper. » Donc l'asile, dans ce cas, comme dans de très nombreux autres cas qui auraient pu être cités, semble avant tout être une solution de dernier recours. Cette primauté de la gestion à domicile, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le premier est que les internés sont pour la plupart des hommes qui travaillent, malgré leur trouble mental. Un peu plus de 80% d'entre eux ont une activité au moment de leur admission à l'asile, si on en juge d'après les registres matricules, même si ça peut être des chiffres qui doivent être nuancés, puisqu'il peut y avoir des auto-attributions de professions qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Mais c'est tout de même considérable. Et s'ils travaillent, ça signifie qu'ils sont relativement indépendants, donc, et une bonne part d'entre eux sont même chefs de famille, puisque mariés avec des enfants, etc. Et les dossiers regorgent d'ailleurs de lettres de demande de sortie qui viennent de familles mises en difficulté justement par l'internement et donc l'arrêt de travail du chef de famille. Et seule une minorité d'internés, les plus jeunes et les plus vieux, le plus souvent, incapables de subvenir à leurs besoins en travaillant, représentent vraiment un fardeau pour les familles. Donc, le maintien à domicile de tous ceux qui sont capables de travailler est considérablement facilité, même si, évidemment, on va voir que la maladie mentale pose des problèmes d'un autre ordre. Le second facteur, c'est que la folie semble relativement bien acceptée au sein du domicile. De très nombreuses lettres montrent de manière assez éloquente qu'on est tout à fait prêt à cohabiter avec un aliéné. Et ces lettres laissent assez souvent deviner une certaine familiarité aussi avec la folie. Alors la femme de l'interné nommé Léon convient je la cite, « il a en effet le cerveau un peu dérangé », dit-elle. Mais elle poursuit, « il n'est ni méchant, ni extravagant, et n'est nullement dangereux. Nous vous supplions, monsieur le directeur, d'avoir pour lui tous les égards possibles et de nous le rendre le plus vite possible. Car je vous l'affirme, monsieur, l'affection dont il est atteint est très douce et il n'a jamais fait de mal, ni cherché à en faire à qui que ce soit. » Donc on a ici vraiment un sentiment, enfin le sentiment que tant que le malade n'est pas dangereux, on s'accommode tout à fait d'un certain degré de trouble mental. D'autres lettres expriment aussi la conviction que le soin apporté par les proches a des vertus propres et irremplaçables. D'après le maire de Lokirec qui s'est fait leur interprète, les parents d'Olivier Tanguy pensent, je le cite, donc, que son séjour dans un asile, quelque éclairé et dévoué que soient les siens, que soient les soins dont il est entouré, ne peut amener aucun changement dans son état, tandis que l'atmosphère de la famille aurait sur lui les plus heureux effets. La même conviction anime, par exemple, la tante de l'interné Guichard, qui se fonde en plus sur une expérience passée avec un autre malade. Elle raconte « J'ai monsieur un enfant qui, par suite de plusieurs fièvres cérébrales, est devenu aliéné. Je l'ai mis dans une des meilleures maisons. Voyant que loin d'avoir de l'amélioration dans son moral, je l'ai repris au bout de 18 mois. Depuis 9 années, ma fille est avec moi. Sa raison n'est pas revenue, mais elle est tranquille. Elle se promène, travaille quand elle le veut, et j'en fais ma société. » Donc l'idée sous-jacente semble être que l'asile ne doive vraiment se substituer aux soins familiaux qu'en cas de fureur devenue dangereuse. En dehors de cette situation, l'environnement familial est à même de tranquilliser l'aliéné, de l'entourer de l'affection dont il a besoin, et peu importe si la raison ne revient pas forcément. À l'occasion, on prodigue cependant des soins aux aliénés. La femme de l'interné Jean Prax détaille par exemple au médecin certains des remèdes qu'elle employait avant son internement dans de très nombreuses lettres. Alors ici, elle raconte « Autrefois, comme je vous l'ai dit, on lui mettait des sangsues à l'anus. Ailleurs, avant la crise du mois dernier, je lui avais fait prendre, sans qu'il s'en doute, du sirop de codéine 4 doses. Ce sirop m'avait été recommandé par le docteur Brégnan. J'y ai recours quelquefois lorsque je vois mon mari un peu agité. Encore ailleurs, j'ai fait ici tout ce que j'ai pu, purge, calmant, bain de pied avec de la moutarde. Il y aurait peut-être autre chose à faire et je vous serais bien reconnaissante de me l'indiquer. » Dans certaines de ces lettres, on sent aussi une certaine familiarité avec la folie, une capacité à identifier par exemple les signes avant-coureurs d'une crise. Après la sortie de son mari, elle surveille étroitement l'état de son mari et écrit au directeur médecin. Pour le moment, il a toute sa raison, mais il me présente cependant les symptômes qui précèdent une crise. Il dort mal, cause seul, est agité de mouvements nerveux. Donc la routine de la prise en charge des aliénés semble comporter des savoir-faire, des connaissances, des apprentissages sur les manifestations de la folie et sur les manières appropriées d'y répondre. L'étude des dossiers laisse d'ailleurs penser que les femmes tiennent une place centrale dans cette connaissance des réactions de l'aliéné et dans la volonté de leur administrer des soins. Cependant, cette prise en charge à domicile, elle peut aussi se faire plus répressive quand le comportement de l'aliéné le requiert. Si des crises de fureur surviennent, dans de nombreux cas, on s'efforce généralement de contenir l'aliéné en attendant qu'il se calme. Ainsi, des gendarmes mis au courant du trouble causé par Joseph Martin le trouvent en son domicile, alité dans un lit hermétiquement fermé. Et puis les directeurs médecins de l'asile relèvent très fréquemment les traces d'une contention antérieure des aliénés avec des certificats d'entrée qui font état d'érythèmes produits par des liens ayant servi à attacher l'aliéné, des aliénés aussi qui sont garrottés à leur arrivée, même si c'est peut-être uniquement pour le transport, mais on peut supposer qu'ils l'étaient aussi chez eux. Et donc finalement, l'enfermement n'est pas l'apanage de l'asile, puisque dans certains foyers, on retient les aliénés dans une pièce de la maison ou dans une grange à la campagne, ce qui fait écho à des observations de James Moran, par exemple, sur l'Angleterre, qui parle même d'asile à domicile. Donc il y a une surveillance étroite qui est exercée sur les furieux, et on essaie d'empêcher les fugues, qui sont souvent le préalable à un internement. Ces pratiques, en particulier de contention des aliénés, elles sont souvent dénoncées par les médecins comme des pratiques arriérées et inadaptées. Et en fait, la routine est également le produit du discours médical. C'est un motif récurrent des écrits des directeurs médecins de l'asile de Quimper, qui, par là, essaie de stigmatiser ce qu'ils considèrent comme des formes de conservatisme populaire. Ils ne cessent de vitupérer les familles pour leur inaction, un peu à la manière dont, dans l'étude de François Jarige, les modernisateurs et les hygiénistes dénoncent l'esprit de routine des ouvriers boulangers. Selon les médecins, il faut choisir, voir les aliénés dans les asiles, ou livrer à eux-mêmes, placés au milieu de causes irritantes, objets de la risée publique, de la domination plus ou moins bienveillante des leurs, sans cesse exposés à des tentations, sans être aptes à s'y soustraire. À travers cette citation d'un directeur médecin, on touche vraiment au cœur de la doctrine de l'isolement thérapeutique au XIXe siècle. L'arrachement au milieu d'origine est considéré comme la condition première d'une guérison. En cause, donc, la réticence des familles, mais aussi parfois des mères, à payer pour l'internement, puisque le coût de l'internement est assez souvent réparti donc, entre départements, communes et la famille, ou l'aliéné lui-même quand il est en mesure de payer. Et donc les médecins blâment régulièrement la pingrerie des familles et leurs mauvaises habitudes qui compliquent la tâche des médecins et exposent de surcroît les aliénés à des mauvais traitements. Les médecins multiplient les récits de mauvais traitements subis par des aliénés à domicile qui leur semblent être le résultat donc, de l'ignorance et de la persistance de vieilles croyances. Je cite un rapport médical. Dans les campagnes, on conserve souvent l'aliéné qui n'est pas dangereux, mais que de misère ne souffre-t-il pas? La famille le soigne à peine, le maltraite souvent, la charité publique lui jette quelques rebuts, et tout le monde s'en amuse à coups de pierre. Les paysans ne peuvent s'accoutumer à regarder la folie comme une maladie, ils s'obstinent à croire que c'est une tâche, une honte. C'est à ce préjugé qu'il faut attribuer la plupart de ces horribles séquestrations dans le recoin d'une étable, où une famille entière laisse s'éteindre un parent dont le cerveau est malade. Donc c'est un tableau vraiment très, très sombre de la prise en charge à domicile, qui est l'exact envers de l'idéalisation, un petit peu au contraire, de l'âge d'or, de la tolérance envers les fous dans les communautés, qu'on peut trouver notamment dans les mémoires d'Ernest Renan, quand il parle des fous de Tréguier, de nos fous, comme on disait. Et je cite Renan, « Loin de les séquestrer, on les laissait vaquer tout le jour. » On les rencontrait presque partout, ils vous saluaient, vous accueillaient de quelques plaisanteries nauséabondes qui tout de même faisaient sourire. On les aimait et ils rendaient des services. Donc là, on a vraiment deux tableaux complètement opposés de la prise en charge à domicile. Alors les médecins multiplient aussi les récits édifiants de maladies aggravées par l'inconséquence des familles. Même quand elles croient soulager le mal, elles posent des problèmes aux aliénés. Un certificat d'entrée livre le récit suivant, par exemple. Jézéchiel, 26 ans, idiot privé de la parole, enclin à tout déchirer. Ses parents l'ont supporté et soigné jusqu'à l'époque de son admission. Pour l'empêcher de détruire ses effets, on mettait entre ses mains de mauvaises cordes qu'il détruisait avec patience. Ce singulier remède a eu beaucoup plus pour effet d'entretenir le vice, de déchirer, que de le supprimer. L'action de l'administration est également critiquée. Un peu à la manière dont, dans les travaux de Guy Hautebourg sur la mendicité en Bretagne, on a toujours des préfets qui vont s'en prendre un petit peu à l'attitude des maires qui se conforment à l'esprit de routine de la population. En matière d'administration des aliénés, les reproches sont assez similaires. Le directeur médecin de l'asile déplore par exemple en 1883 la mauvaise volonté ou l'incapacité des agents chargés de donner des renseignements sur les demandes de placement. Il signale le cas de mère qu'on a vu, je le cite, « refuser de remplir les formalités nécessaires et rejeter toute demande dans la crainte de surcharger leur budget municipal. » Et de conclure, donc, « c'est une affaire soumise dans les petites localités à une foule de caprices qui, dans bien des cas, peuvent donner de grands malheurs. » Donc, dans ces conditions, le tri attentif des malades, qui est une des conditions de l'émergence de l'hôpital moderne, comme le Olivier Défort, n'est pas possible, selon les médecins, face à ces pratiques routinières, qui répondent principalement à des soucis de maintien de l'ordre ou à des modèles de charité traditionnels. Et donc les directeurs médecins de l'asile déplorent assez régulièrement l'envoi à l'asile d'aliénés depuis longtemps incurables, devenus dangereux, dont on a voulu simplement se débarrasser, ce qui est aussi une manière pour eux de s'excuser, enfin d'expliquer leur incapacité à améliorer les taux de guérison. Donc on le voit, les aliénistes mettent en scène une sorte de lutte entre la routine et la science, entre les préjugés populaires à l'égard des fous et leur action censément rationnelle et bienveillante. Une opposition qui est révélatrice d'un écart culturel assez important, généralement des médecins qui ont fait leurs études à Paris et la population finistérienne. Mais en dépit de cet écart, donc, ils essaient de construire un consensus dans la dénonciation, par la dénonciation de cette gestion routinière de la folie, en essayant de rallier à leur cause à la fois la population et les autorités, en agitant la menace donc, du désordre, de la dégénérescence de la race, du coup aussi de la folie, etc. Mais en réalité, on voit qu'ils sont assez isolés et qu'ils ont assez peu de moyens de vraiment faire changer les pratiques et de vaincre les réticences. Et donc, dans le dernier temps de cette partie, on peut aussi lire la routine comme un art de la résistance, pour reprendre les termes de François Jarige, des populations face à ce nouvel instrument de contrôle médical. Dans les très nombreuses suppliques de familles qui réclament le retour au domicile d'un aliéné, on sent assez souvent poindre une certaine méfiance vis-à-vis de l'institution, ou du moins une certaine insensibilité au discours médical sur les vertus de l'internement. Et plutôt que d'envoyer quelqu'un à l'asile, on va par exemple essayer de le placer à l'hospice. La femme de Jean Prax, celle qui racontait tout à l'heure tous les remèdes qu'elle employait pour son mari, raconte elle-même au médecin de l'asile, dans une longue lettre, la manière dont elle s'est forcée de prendre soin de son mari à la maison, avant d'être débordée par son agitation grandissante. Malgré cela, donc, ses efforts pour lui épargner l'asile ne s'arrêtent pas là, puisque après la fugue de son mari qui est rattrapé par des policiers, elle va convaincre les policiers d'essayer de l'amener à l'hospice plutôt qu'à l'asile, où malheureusement donc, il sera refusé. Mais en tout cas, elle se dit convaincue qu'une simple maladie de nerfs, pour reprendre ses termes, ne vaut vraiment pas la punition d'un séjour à l'asile de fous. La tante de Joseph Guichard, qu'on a croisé tout à l'heure aussi, exprime elle aussi ses doutes sur l'opportunité de l'internement de son neveu. Si une de ses sœurs, qui sont toutes les trois assez bien sur le rapport de la fortune, voulait prendre Guichard avec elle, je crois que ce moyen serait le meilleur pour lui et pour sa famille, car monsieur, permettez-moi de vous dire que j'ai lu Pinel et Leray et d'autres médecins aliénistes, et ils sont presque tous d'accord à dire qu'il faut traiter cette triste maladie à son début. Or, voilà 15 années que Guichard a le cerveau faible par suite de la fièvre jaune. Remettez-lui, je vous prie, ma lettre, et pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir dit qu'il n'y a pas de remède à la position de Guichard. Je pense même que le voisinage d'autres malades n'aggrave sa position. Donc, cette dame manifestement cultivée opère une sorte de retournement du discours médical pour légitimer sa demande de sortie de son neveu. D'autres lettres expriment aussi la crainte des familles de voir les internés brutalisés par les gardiens, etc. Donc, avec la réalité carcérale de l'asile qui semble un peu prendre le dessus sur sa vocation de soins. Donc, ce que les médecins dénoncent comme une routine archaïque peut aussi être interprété comme l'expression d'un doute quant aux vertus thérapeutiques de l'asile. Les quelques indices collectés donnent donc à voir une gestion routinière de la folie principalement fondée sur la solidarité familiale, parfois aussi assurée en lien avec la communauté, avec les voisins par exemple, qui prêtent main forte pour maîtriser un aliéné trop remuant, et une gestion routinière de la folie qui peut aussi se faire coercitive. Cette gestion routinière va de pair avec une certaine tolérance vis-à-vis des écarts occasionnés par la maladie mentale, tant que l'aliéné reste suffisamment calme. Donc les médecins peinent à convaincre de la nécessité d'interner. Et ce constat général rend d'autant plus crucial, par conséquent, la question de la perturbation de cette routine. C'est la deuxième partie de mon intervention. Puisque les familles et les communautés semblent avoir généralement la capacité, la volonté et l'habitude de garder avec eux leurs aliénés, alors quels sont les événements biographiques, économiques, médicaux, etc., qui vont perturber cette routine et provoquer l'envoi à l'asile? Pour répondre à cette question, il faut déjà se départir d'une vision de l'internement comme un processus imposé d'en haut par le corps médical à une population qui serait foncièrement passive. Et à l'invitation de Roy Porter, il faut au contraire l'appréhender comme le produit de marchandages complexes entre des acteurs multiples. Alors, plusieurs cas de figure peuvent être distingués en fonction des profils des malades. Un premier groupe qui peut être délimité dans la population de l'asile, c'est celui des dépendants, dont la maladie entravent l'autonomie, les empêchent de travailler. On a vu qu'ils étaient minoritaires, mais c'est quand même une minorité importante dans la population de l'asile. C'est des individus qui vont le plus souvent être diagnostiqués, alors soit débiles, imbéciles ou idiots pour les plus jeunes, soit déments ou paralytiques pour les plus vieux. Pour ce groupe de malades, l'internement semble le plus souvent provoqué par une rupture de la continuité de la prise en charge, qui prend souvent la forme du décès de la personne qui prenait en charge le malade. Donc là aussi, les exemples sont très nombreux. On a un certificat d'entrée de Jean-François Lidourin, qui est admis à l'asile en 1900, qui raconte donc que le sieur Lidourin, âgé de 9 ans, domicilié au bourg de Landelot, est atteint d'idiotie complète avec perte presque complète de la vue, l'empêchant de suivre l'école ni d'apprendre aucun état. Il se trouve de plus dans la plus grande misère par suite du décès de sa mère survenu hier, après plusieurs mois de maladie. Donc là, c'est vraiment du jour au lendemain le décès de la mère qui provoque l'internement. Yves Burel, qui a 22 ans, lui aussi, après le décès de sa mère, erre sans but pendant 3 mois. Il est finalement pris pour un vagabond, arrêté aux abords de la gare de Quimper et interné. Les difficultés à prendre place dans le monde du travail semblent aussi jouer un rôle, puisque donc toujours dans cette catégorie des débiles, imbéciles et idiots, qui sont donc des maladies a priori de naissance, dans la base de données que j'ai constituée, si on se livre à un rapide calcul, à peu près, enfin précisément 36 des 83 membres de cette catégorie sont internés entre 15 et 25 ans, donc près de la moitié, ce qui est un taux très important par comparaison avec les autres catégories diagnostiques. Et donc entre 15 et 25 ans, c'est probablement l'âge charnière où ils s'étaient supposés sortir de la dépendance pour gagner en autonomie, un cap qu'ils n'ont pas franchi. Au-delà de cette catégorie, le rapport médical de 1885 insiste sur le facteur déterminant que constitue de manière générale le niveau de revenu des familles. Je le cite, « Si les familles riches et pénétrées de leurs devoirs ont toujours la faculté de donner des soins convenables à l'aliéné, de le surveiller à tout instant et d'empêcher qu'il ne se livre à des tentatives funestes, il n'en est pas de même pour les familles indigentes, privées de toute ressource. Il y a chez les indigents impossibilité absolue de pourvoir aux soins que réclame une maladie de ce genre. » Donc on peut supposer que les familles les plus riches déjà disposent de foyers plus spacieux, avec peut-être la possibilité d'avoir une pièce séparée pour l'aliéné, qu'il leur est de surcroît plus facile de trouver une occupation pour l'aliéné, qu'ils peuvent aussi, suivant une pratique qui est observée par David Wright dans le cas de l'Angleterre, dans son étude sur la prise en charge des enfants idiots, qu'ils peuvent aussi donc payer quelqu'un pour surveiller l'aliéné, etc. La routine de la folie est donc forcément beaucoup plus précaire pour les populations pauvres. Cependant, donc, on l'a dit, les dépendants comptent seulement pour une minorité d'admissions à l'asile et à peu près 80% des internés travaillent au moment de leur internement. On ne saurait donc s'arrêter à ces motifs économiques pour expliquer la rupture de cette gestion routinière de la folie. Et il faut maintenant essayer de comprendre quand peut survenir le franchissement des limites du supportable pour les familles, et question évidemment liée à celle de la violence des internés. Un médecin quimpérois décrit ainsi l'état de Philippe, aubergiste de Quimper, qui est partiellement remis d'un délirium très mince et qui est retombé dans un excès de manie. Aujourd'hui 12, la manie est devenue furieuse. Philippe, qui est doué d'une grande force musculaire, ne peut être contenu par aucune entrave. Il casse et brise tout ce qui lui tombe sous la main, menace ses enfants, sa sœur, sa mère, sa femme et toutes les personnes que l'humanité appelle auprès de lui. C'est un type de récit vraiment récurrent dans toutes les pièces d'admission à l'asile. Alors, même si le degré de violence peut être délibérément exagéré pour faciliter l'admission à l'asile, la violence semble bien être un facteur déterminant dans une grande part des internements. Un rapport médical de 1900 constate par exemple que 53 des malades sur 113 avaient commis ou tenté de commettre avant leur admission des actes d'une exceptionnelle gravité, surtout si l'on songe que le plus souvent, les menaces de mort et les violences ont été exercées à l'égard des parents, pères, mères, enfants. Et effectivement, à partir des registres matricules, si on se livre à un petit recensement de ces actes de violence qui sont mentionnés, on constate assez nettement que cette violence des internés, elle touche en premier lieu la famille, en second lieu des personnes indéterminées, puis les voisins, puis les objets ou les choses, et en dernier lieu les animaux. Donc la famille est évidemment en première ligne de, face à cette violence des internés. De cette manière, l'asile s'affirme comme une solution au désordre des familles, pour reprendre les termes d'Arlette Farge et Michel Foucault, et comme un arbitre des conflits du quotidien, qui participe du processus d'apprivoisement de la violence au cours du XIXe siècle, décrit notamment par Frédéric Chauveau. Dans certains cas, l'internement peut même devenir un moyen de défense pour des femmes menacées par la violence de leur mari. Dans les archives municipales, on retrouve un certain nombre de lettres de demande d'internement donc adressées au maire. J'ai retenu la suivante en 1889, s'appelle Thérèse Bidéric. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'internement gratuit dans l'asile d'aliénés de mon mari, qui n'a pas toute sa raison par suite d'excès de boisson. Mère de 4 enfants, dont 3 en bas âge, je crains à chaque instant pour leur vie et pour la mienne. Ils menacent de me tuer à chaque moment et exercent sur moi toutes sortes de sévices. Ces dernières nuits, nous ne pouvions rester à la maison avec lui. Les voisins peuvent certifier les faits que j'avance, etc. Le retour au domicile familial après une longue absence semble souvent aussi générer des complications qui peuvent mener à l'internement. Le père d'Auguste Dangean constate chez son fils, de retour chez lui, après avoir travaillé plusieurs années à Lyon, des comportements étranges qui le décident d'aller voir le commissaire de police pour réclamer son admission à l'asile. Joseph Martin, de retour du régiment en congé de convalescence, est rapidement interné après avoir causé du désordre chez lui. Hervé Le Guen, de retour à la ferme familiale, ne supporte pas d'avoir à cohabiter avec ses 2 beaux-frères qui étaient venus aider aux travaux des champs en son absence. On pourrait là aussi multiplier les exemples de ce type. De la sorte, le franchissement des seuils de violence peut déterminer les familles à prendre par elles-mêmes l'initiative de l'internement quand l'intégrité des membres du foyer est menacée. Cependant, le danger que représente un malade mental ne suffit pas toujours à vaincre leur réticence. Et bien souvent, c'est l'intervention d'autres membres de la communauté qui va souvent être déterminante. Dans un procès-verbal établi donc par un policier, plusieurs voisins d'Auguste Poussier témoignent. Alors le premier, dans ces moments d'égarement la nuit, il se saisit d'une hache et fend du bois sur le plancher, de manière à ébranler toute la maison et à troubler le repos des locataires. Un autre, j'ai souvent rencontré le sieur Poussier tout égaré dans l'escalier. Je l'ai vu d'autres fois courir après des enfants. De la même manière, défilent voilà, d'autres voisins qui témoignent un petit peu du trouble causé par ce monsieur Poussier. Et en milieu urbain, donc dans cette promiscuité des logements populaires qu'on peut deviner à travers ce document, la dissimulation de la folie est forcément plus difficile. Et les familles ne sont pas maîtresses bien longtemps de la destinée de l'aliéné qui est sans cesse soumis à ce tribunal de rue du voisinage, pour reprendre les termes de Christophe Régina. À la campagne, évidemment, les cris sont moins perceptibles, mais le voisinage est tout de même prompt à repérer les comportements déviants, qui vont de l'errance nocturne aux propos incohérents, en passant par les jets de pierre sur les passants. Autant d'indices de la folie qu'on semble un petit peu se plaire à détailler aux maires ou aux policiers qui viennent collecter des informations sur les antécédents de l'île. Le lieu de travail est aussi un lieu de détection et d'identification de la folie. Un procès-verbal raconte par exemple comment un cordonnier, autrefois exact à son ouvrage, est devenu irrégulier, quittant son travail au milieu de la journée sans rien dire, ne revenant que le lendemain. Souvent, continue ce procès-verbal, il se mettait à rire de toutes ses forces avant de quitter. D'autres fois, la sonnerie d'une pendule le faisait tressaillir, etc., etc. Depuis un mois, il ne travaillait plus du tout. De l'identification de ce type de comportement anormal à l'identification d'un danger, souvent il n'y a qu'un pas, et les formules du type « le quartier voit en lui une menace incessante, il fait peur au voisinage, etc. etc. » sont vraiment très, très récurrentes dans les dossiers. Un procès-verbal raconte à propos de cet aubergiste Philippe qu'on a rencontré tout à l'heure que jeudi 17 de ce mois, Philippe avait trouvé le moyen de s'évader, qu'on a pu le rejoindre qu'à la lande de Cuzon, d'où sa femme et son voisin ont eu le plus grand mal à le ramener chez lui car il opposait la plus vive résistance. Il est à la connaissance de la police que depuis quelque temps, les voisins sont intervenus très fréquemment au secours de la femme Philippe. Sans cela, la police eût été obligée de prendre l'initiative. Donc on retrouve ici cette omniprésence de la figure du voisin. On retrouve en passant aussi des pratiques d'enfermement à domicile qu'on évoquait tout à l'heure. La capacité de surveillance de la famille et des voisins ayant été cette fois débordée, on a fait appel au médecin et au maire de Quimper qui a dépêché le commissaire de police sur les lieux. Et c'est très souvent par une chaîne d'acteurs assez similaire qu'on va arriver à l'internement. Les policiers, les gendarmes, les maires, les gardes champêtres parfois sont vraiment omniprésents dans les dossiers. Et le maire de la commune s'affirme en particulier comme la figure centrale à laquelle on fait appel en premier lieu pour se plaindre du comportement d'un aliéné. Dans des cas plus rares, on se présente au commissaire de police pour demander l'internement. Et puis à leur tour, donc, policiers et gendarmes peuvent être sollicités par le maire sur signalement de l'aliénation ou de l'alcoolisme d'un de ses administrés pour mener une enquête assez sommaire qui va viser à déterminer si l'ordre public est menacé, si l'individu est aliéné et s'il y a lieu donc de l'interner. La rupture de la routine, donc, très souvent occasionnée par des débordements qui outrepassent donc les capacités de surveillance des familles. Mais ensuite, l'initiative de l'internement est assez souvent concertée. C'est le résultat d'un arbitrage parfois assez délicat pour les familles entre leur volonté et puis les volontés de la communauté. On se sert donc de l'asile comme d'un instrument de gestion de la violence et de l'alcoolisme au quotidien. Il y a une demande sociale d'internement qui détermine une bonne part des admissions à l'asile. Au point donc qu'on peut se demander si l'internement lui-même n'en vient pas à être intégré aux pratiques routinières des classes populaires finistériennes. Donc c'est l'objet de ma dernière partie, où plutôt que de voir l'internement donc, uniquement comme une rupture dans les pratiques routinières antérieures, il s'agit en fait de le considérer plutôt comme un nouvel aspect de ces pratiques routinières. Entre 1826, date de l'ouverture donc, de l'asile, et 1900, la population de l'asile passe de 13 à plus de 600 aliénés, et le nombre d'admissions chaque année passe d'une vingtaine en moyenne dans les années 1830 à peu près 150 dans les années 1890. Si on suit la trace de l'aubergiste Philippe, on constate que, interné en mai 1855, il ressort en juillet, puis il retourne à l'asile pour 6 mois en janvier 1857. Et en février de 1858, il présente de nouveau des signes annonciateurs d'une crise. Et le directeur médecin, dans une de ses lettres, raconte que la famille, je le cite, juge prudent, et en cela elle a raison, de le placer pour quelques jours à l'asile des aliénés. Donc effectivement, entré à l'asile le 19 février pour une quatrième fois, l'aubergiste Philippe ressort le 14 mars. Donc il a effectivement passé quelques semaines seulement à l'asile, conformément au désir de la famille, et il retrouve son foyer avant de refaire un séjour à l'asile quelques années plus tard, pour une durée un petit peu plus longue. Donc les familles semblent bien avoir intégré l'asile dans leur stratégie de gestion des aliénés, et elles semblent l'envisager comme une solution essentiellement temporaire. On se décide parfois à envoyer à l'asile un malade, mais on compte bien le récupérer dès que possible, en dehors du cas de figure qui existe cependant, où les familles expriment explicitement la volonté de se débarrasser à tout jamais d'un aliéné qui est devenu un fardeau. Mais donc il y a de très nombreuses familles qui ne cessent de réclamer la sortie des internés, surtout des femmes qui vont réclamer la sortie de leur mari, par nécessité économique, assez souvent aussi par un refus de se voir déposséder d'un membre de la famille. Et c'est ainsi que s'engagent des négociations assez compliquées avec les directeurs médecins, qui se réservent évidemment la décision finale, mais qui ignorent rarement les demandes des familles, tant la sortie des malades ne peut, selon eux, réussir que si la famille montre sa volonté de s'occuper du convalescent et surtout de le surveiller. Donc il y a une véritable prise en compte des demandes des familles. Pour certaines familles, interner un malade semble devenir une habitude. Et donc à cet égard, le cas des récidivistes qui font de très nombreux séjours à l'asile est particulièrement intéressant. Jean Prax, qu'on a déjà croisé lui aussi, est interné à 7 reprises entre 1872 et 1900. Alors son interprétation à lui, relevée par une observation médicale, c'est qu'un cycle terrestre le ramène par période à Saint-Athanase. Donc d'après le diagnostic, il est plutôt atteint de folie périodique. Il est interné une première fois à l'âge de 35 ans, puis ses séjours se multiplient, donc à 2 reprises en 1872, une fois en 1873, une autre fois en 1889, après donc une longue période de 15 ans, une autre fois en 1894, puis en 1896, et enfin en 1900. Il n'est jamais interné pour de très longues durées. Son plus long séjour, c'est 6 mois. La plupart de ses placements sont volontaires, donc sur demande de sa femme, qui entretient une correspondance assez abondante avec la direction de l'asile, à laquelle elle a demandé notamment de lui écrire tous les 8 jours pour avoir des nouvelles de son mari, et à laquelle elle répond tous les 8 jours. Et donc chaque entrée et chaque sortie de l'asile sont discutées en amont avec le directeur médecin et s'accompagnent généralement de recommandations médicales à la sortie, qui vont de l'alimentation à l'activité physique, en passant par les médicaments à prendre, et en passant aussi par la nécessité, je cite le médecin, d'éviter les discussions. Donc l'asile semble s'acquitter de la gestion des périodes de crise, tandis que la famille assure la prise en charge au long cours, quand l'état du malade le permet. Donc il y a une sorte de complémentarité qui s'établit entre prise en charge familiale et asilaire, avec donc des médecins qui informent les familles sur les procédures administratives, qui les encouragent à se faire aider du maire ou du commissaire de police pour rédiger les papiers de placement volontaire ou pour provoquer un placement d'office. D'autre part, l'entrée à l'asile n'éteint pas du tout les espoirs des familles de voir revenir l'aîné au domicile, comme on l'a déjà dit. Par exemple, la famille du cultivateur Jacques Daniel ne renonce jamais à s'occuper de lui. Elle le réclame lors de ses 3 internements, en 1871, 82 et 85. Elle le prend en charge à chaque fois à la sortie. Puis lors de son 4e internement, qui dure 8 ans, il ressort, Jacques Daniel donc ressort avec le billet suivant, dément inconscient, il peut être rendu à sa famille qui tient à le soigner à domicile. Donc le directeur médecin semble reconnaître qu'il ne peut plus grand-chose pour cet aliéné. À partir du moment où tout espoir de guérison s'éloigne et où l'hypothèque de sa dangerosité est levée, puisqu'il est apparemment dément et inconscient, rien ne s'oppose à son retour au domicile. Cet exemple illustre la force des liens familiaux qui se maintiennent même après 8 ans d'internement, et encore une fois le rôle clé que jouent les femmes dans l'entretien de ces liens familiaux, puisque ce sont presque toujours elles qui écrivent en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que belle-sœur, etc., qui réclament la sortie des internés, et très rarement les hommes qui s'acquittent de ce rôle. Ensuite, les familles et les communautés font preuve d'une indéniable habileté à s'insérer dans ce jeu de l'internement asilaire. Elles savent prendre appui sur l'autorité locale, en particulier, pour attirer sur leur cas l'attention du directeur médecin, avec donc des maires, des petites communes en particulier, qui vont prêter leurs plumes aux illettrés, qui vont écrire à leur place pour convaincre la direction de l'asile d'accorder à une famille la sortie d'un interné, en échange de la promesse d'une surveillance et d'une grande vigilance à l'égard de cet ancien interné. On a même des actions collectives qui s'ébauchent, avec par exemple plusieurs femmes qui vont se rassembler pour aller rendre visite à un interné et attester d'une même voix que son état leur semble permettre sa sortie. On peut avoir aussi des voisins d'un aliéné qui rédigent une pétition alors pour le faire interner, ou des collègues qui vont en rédiger une autre pour réclamer sa sortie à l'inverse, etc. etc. Donc, pour conclure, la procédure de la loi de 1838 devient une ressource dont s'emparent ces différents acteurs, donc des familles aux édiles municipaux, qui suscite donc de multiples interactions, redoublées de déplacements incessants pour rendre visite aux malades, d'un flux ininterrompu de lettres, qui ne suffisent pas à vaincre la méfiance de la population vis-à-vis de l'asile, mais néanmoins contribue à le rendre cette institution plus familière, qu'il habitue donc à négocier, à traiter avec les médecins aliénistes. l'étude de ces pratiques routinières de gestion des aliénés met ainsi au jour donc les capacités créatives et stratégiques des acteurs, pour reprendre encore une fois les termes de François Jarige. Et d'autre part, elle nous montre l'asile sous un jour nouveau, bien moins fermé, bien moins monolithique que ses hauts murs ne le laissent supposer. L'asile s'intègre à la routine de la population, et en même temps, la routine asilaire, elle aussi s'accoutume peu à peu à l'intervention incessante de tous ces acteurs extérieurs, même si ce sera un autre sujet qui mériterait d'être traité plus longuement. Quand l'internement intervient, il n'est souvent que la sanction légale d'une décision prise en amont par les familles et les communautés. Donc on voit qu'il ne faut pas opposer trop schématiquement l'internement à la gestion routinière de la folie, comme ont tendance à le faire les médecins eux-mêmes, puisque prise en charge formelle et informelle, communautaire et institutionnelle, sont étroitement liées, à certains égards complémentaires plutôt qu'opposées, comme le rappellent notamment Peregrine Orden et Richard Smith dans leur étude intitulée « The Locus of Care ». Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on enchaîne et on fera des questions à la fin, si ça va.